s'envolent les grandioses, les grands retournements sous sa baguette de virtuose. Que le musicien ose. Je veux le sacrement, un air d'opéra rose, la main au firmament et des cœurs qui se superposent en salut sur terre, dans les amours, les...